gâteaux et vous les curés. À vous les bonnes sœurs qui n'avez aucun cœur. Le dimanche après la messe, vous boifferez dans l'enfoiré en regardant les autres crever. Pour être à mon gâteau, c'est pas très compliqué. Il faut seulement faire des gosses. Pour vous, la capote, c'est un péché. Mais pensez un peu aux vies que ça peut sauver. À tous les gâteaux, calés à la messe, venez donc embrasser mes fesses. À tous les gros porcs qui dictaient ces lois et qui assassinaient un dieu qui n'existe même pas. Rien que pour ça, la charité chrétienne, vous savez, vous pouvez vous la mettre. À tous les gâteaux, calés à la messe, venez donc embrasser mes fesses. Vous vous êtes sali les mains. Vous n'êtes vraiment qu'une bande d'assassins. On devrait vous occuper, eh oui, pour pouvoir le donner aux chiens. À tous les gâteaux, canés à la messe, venez donc embrasser mes fesses. À tous les gâteaux, et vous les curés, et vous les bonnes sœurs qui n'avez aucun cœur. Le dimanche après la messe, vous vous boifferez dans de l'enfoiré en regardant les autres crever. À tous les gâteaux, calés à la messe, venez donc embrasser mes fesses. Je dis ça des catholiques, mais ça vaut aussi pour les autres, musulmans, juifs et compagnie. Vous nous collez des guerres sans fin depuis des millions d'années. Est-ce qu'un jour, vous allez vous arrêter? À tous les gâteaux, calés à la messe, venez donc embrasser mes... Ah, c'est un miracle, la danseuse, je m'en bats le coup de nuit. Vous, arrête.